pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal, aujourd'hui l'outarde Oubara. Nous sommes dans des plaines semi-désertiques ou même dans des steppes arides parsemées de petits buissons secs. Cela pourrait être quelque part en Afrique du Nord, au Moyen-Orient ou en Asie occidentale. Devant nous, des tons ocre et sablés à perte de vue, jusqu'à ce que tout à coup, l'œil soit attiré par une tache blanche. À y voir de plus près, cela ressemble à une houppette de plumes qui zigzague dans tous les sens. Voilà l'outarde Oubara, un oiseau élancé d'environ 70 cm qui entre en scène, toute plume dehors, afin de se livrer à une parade nuptiale pour le moins flamboyante. Cette parade a lieu entre fin janvier et juin, période au cours de laquelle le mâle enchaîne des mouvements spectaculaires. Il y a par exemple cette posture statique, où l'outarde hérisse progressivement les longues plumes ornementales de sa tête et de son cou. Il y a ce mouvement où le mâle marche en relevant les pattes, puis d'un coup, part en trottinant, basculant la tête en arrière, entre les deux omoplates, et en projetant devant lui l'ensemble de ses plumes ornementales. Vu de loin, la scène donne l'impression de voir un capuchon blanc courant en cercle, en huit ou en ligne droite, sans que l'on ne connaisse toujours son objectif. Sensation renforcée par le fait que l'oiseau ne voit plus rien avec toutes ses plumes qui lui cachent la vue. Cette course effrénée peut durer un moment, jusqu'à ce que l'outarde Oubara s'arrête, se redresse et chante. Un chant qui lui aussi relève du spectaculaire, car l'outarde Oubara, en l'occurrence le mâle, boum. Elle produit des booms de très basse fréquence, fait rarissime chez les oiseaux. Difficile de savoir comment ces booms sont produits, l'oiseau garde le bec fermé et on suppose que sa trachée, élargie à la réunion des deux bronches, doit servir de caisse de résonance. Ce son est produit uniquement au cours de la parade amoureuse, à l'aube et au crépuscule, le reste du temps l'oiseau étant plutôt silencieux. Certains mâles préfèrent boomer dans l'obscurité et y passeront la nuit entière. Le son pouvant s'entendre à plus de 600 mètres, on imagine que les femelles finissent par se rapprocher et aller y voir de plus près. Mais comme le propre de cette espèce est d'être discrète et très timide, les chercheurs ont eu peu l'occasion d'observer la reproduction de ces oiseaux. L'outarde Oubara a une espèce très proche, presque jumelle, pour laquelle on ne peut avoir qu'une vraie tendresse. Il s'agit de l'outarde McQueen, oiseau un peu plus petit que la Oubara, mais dont le nom, McQueen, claque tout comme son chant, dont les booms sont encore plus percutants et rythmés, et dont la fréquence fondamentale est encore plus basse que la Oubara, 25 Hz contre 45 Hz. Impossible alors de résister à cet appel à la danse. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay, avec la complicité de Fanny Ribac de l'Université de Paris-Sud et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.